du mardi 12 janvier au samedi 6 février, a lieu au cœur de l'aventure, 3 rue Pierre Blanc, dans le 1er arrondissement, la première exposition lyonnaise du graffiti et pochoir, organisée par l'association Crocodile Productions. Et sur Radio Brume, le jeudi 21 janvier, dans Hors des Brumes, vous pourrez en savoir plus sur le pochoir et le graffiti. Et courez vite au cœur de l'aventure, 3 rue Pierre Blanc, dans le 1er arrondissement, pour voir cette exposition. Terminé comme il se doit, le premier mois de cette nouvelle année, l'équipe rock de Radio Brume vous propose une folle nuit blanche le samedi 30 janvier 1988 à partir de 22h. Tout au long de cette nuit, vous pourrez gagner des places de théâtre, des places de concert, des coups à boire dans les endroits les plus chauds de Lyon. Mais vous pourrez également participer à la programmation en nous téléphonant au standard durant toute l'émission. Alors, le samedi 30 janvier 1988, pas de télé, pas de sortie, c'est la nuit blanche des 95.5. Voilà, ça s'appelle Dragonfly. C'est suisse, ça date de 82. L'album s'appelle Dragonfly. Le morceau s'appelle Dragonfly. Et c'est disponible auprès de Musia. Et je crois que c'est superbe. Je crois que sans peser mes mots, sans exagérer, c'est superbe. Je crois qu'on va pouvoir enchaîner maintenant avec la Hollande, les Pays-Bas, avec Egdon Heath, un nom un petit peu accouché dehors, E-G-D-O-N, plus loin, H-E-A-T-H. Oui, ça date de 87. Ça veut dire quoi? Alors c'est hollandais. Ça veut dire quoi? Bon, bah, c'est une interview qui va paraître dans le fanzine dont je vous parlais tout à l'heure. C'est tiré d'un roman de Thomas Hardy, qui est un écrivain du 19e anglais, qui a écrit entre parenthèses, qui a écrit entre autres Tess, qui a été porté à l'écran récemment. Voilà. Donc Egdon Heath, c'est le nom d'un pays imaginaire que l'on trouve dans ce roman. Et c'est donc aussi le nom de ce groupe des Pays-Bas qui vient d'autoproduire un album. C'est sorti, c'est tout neuf, c'est tout chaud. En 87, In the City, dans la cité. Et on va écouter carrément le titre qui a donné le nom à cet album, In the City. Voilà, d'ailleurs j'en remarque, je me suis permis de jeter un coup d'œil sur la pochette, qui est plus ou moins un copinage avec Sim Info, oui. Qui me semble être un magazine de progressifs. Tout à fait, c'est le correspondant d'Harmonie aux Pays-Bas. Je pense que c'était un bon moyen de parler des autres, puisqu'il y a des magazines du même style à l'étranger. Oui, heureusement. Et qu'on les retrouve d'ailleurs dans Harmonie, il y a toujours une page de choses à lire qui est avec des bonnes adresses. Voilà, on le retrouvera aussi dans Acid Dragon, même d'une façon encore plus complète, dans le petit fanzine qui va sortir, puisqu'il y aura toute une liste de ces magazines étrangers et français. 22h45, vous êtes toujours avec Bande à part, l'émission du rock progressif, sur Radio Brume 95.5. Si la minute avait la parole, on pourrait entendre ça. Ou même écouter cela. Enfin, c'est déjà pas mal puisqu'on voit tout ça sur le 3615 code Brune FM. Le 3615 code Brume FM, c'est le Minitel, le service de Radio Brume 95.5, la radio étudiante de la région lyonnaise. Alors, à propos de Bande à part, puisque vous écoutez donc l'émission du rock progressif, je signale à tous les amateurs qu'il y a une présentation relativement détaillée de l'émission, avec surtout ce qui est bien utile, les adresses et les contacts des fan clubs, en particulier de Marillion, de Palace, de Castanark, de 12th Night, de Anoxy, entre autres, et également de Minimum Vital. Voilà, enfin, ça se complétera au fur et à mesure, je pense, ça peut être bien utile. Et Thierry ? Bon, puisqu'on parle du rock français, on va enchaîner et on va passer tout de suite à Enchantement. Enchantement, c'est le titre d'une compilation produite par Muséa. Muséa, donc le label progressif français par excellence, savamment et sauvagement ignoré des médias français, mais enfin qui continue inexorablement sa route de découverte et de propagation du progressif. Donc Enchantement, c'est donc une compilation avec la crème des groupes progressifs français actuels. Alors on y retrouve des inédits, que des inédits, de noms très prestigieux tels que Pulsar, tels que Atoll, Ange, Minimum Vital et j'en passe. Et on trouve aussi des petits jeunes, des petits groupes inconnus dont c'est le premier ou deuxième enregistrement, et avec des choses souvent très étonnantes, superbes même. Alors justement ce soir on va écouter, pour se donner une idée un peu de cet album qui est à la fois complexe et en même temps enchanteur, pour faire un jeu de mots facile, on va écouter un extrait de Pulsar, donc une des gloires du progressif. Le morceau s'intitule De plus en plus fort. Et ensuite, on écoutera un morceau d'un groupe totalement inconnu qui s'intitule Atmosphère. Et le titre, c'est Explosion. Mais on va enchaîner tout de suite, on va tout de suite écouter et se délecter avec Pulsar, De plus en plus fort. Thank you. Voilà, c'était Pulsar en inédit, puisque Eric me posait la question. Tous les morceaux de cette compilation sont inédits et datent de 87. Donc on va passer maintenant à Atmosphère. Atmosphère, c'est un petit groupe inconnu, puisque c'est le premier enregistrement, c'est la première gravure sur vinyle. Le titre, c'est Exploser. Avant de passer à ça, je dirais pour conclure sur Enchantement, que pour les affamés du rock progressif, il va y avoir un deuxième volume qui va paraître courant 88, et qui sera cette fois-ci non plus une compilation de progressifs français, mais de groupes internationaux. Ça peut paraître un peu ambitieux, mais bon, je pense que le tri sera vite fait, puisque c'est des groupes contemporains et représentatifs de leur pays. Bon, entre autres, le Japon sera représenté par Outer Limits, la Hollande très certainement par Egdon Heath, qu'on a entendu tout à l'heure. Il y aura très certainement aussi Dace dans la compilation. Et donc cette compilation sera plus qu'une compilation, plus qu'un disque avec un disque pulse avec des morceaux les uns épars collés les uns derrière les autres. Ce sera carrément un concept album. Et je sens qu'on se réjouit dans les chaumières, puisque là on va être tenté de faire donc le rêve, le summum en matière de progressif, c'est-à-dire un concept. C'est moi-même votre serviteur, puisque j'étais chargé de trouver l'idée. Elle est pratiquement terminée et donc ça se basera sur le concept de la semaine et de l'évolution philosophique et mentale d'un homme à travers cette semaine. Voilà, donc, et à travers 7 morceaux internationaux. Voilà, j'arrête tout de suite mon blabla pour passer à Atmosphère. Le morceau s'intitule Exploser. Je voulais vous rappeler qu'il est 22h56 sur Radio Brune 95.5 FM, la radio étudiante de la région lyonnaise. Vous écoutez Bande à part, l'émission du rock progressif. compilation Enchantement de chez Musea. Alors, Atmosphère. Musea, je le rappelle, est une association qui a pour but de distribuer mais également de produire. Et sans but lucratif. Voilà, hein. Alors d'ailleurs, bon ben Enchantement, c'est la production la plus récente, je crois, de Musea. Tout à fait. Et je veux donc rappeler aux personnes qui pourraient être intéressées par les disques proposés par Musea, il y a de tout, hein. Il y a du jazz, il y a du jazz rock, il y a toutes les musiques progressives, voilà. Je dirais, hein, aussi bien la nébuleuse magma, le jazz rock, que le progressif pur entre guillemets. Hein, il y a un peu de tout, et donc c'est disponible au 72 rue du Général Patton à Dombasle. Voilà, ou 54. Sinon... 110, pardon. Ou sinon, vous connaissez l'adresse, c'est Bande à part, Radio Brume, 69621, Villeurbanne-Sedex, ou par le Minitel, une nouvelle fois, 3615, code Brume FM, en passant par Bande à part, encore une fois. Et je voudrais également rappeler le numéro de téléphone, c'est le de la radio, c'est le 78 89 45 05. Et ces disques sont normalement distribués, donc il suffit de les réclamer à corps et à cri auprès de votre cher disquaire, et vous devez les avoir sans problème, hein. C'est pas des productions de fond de tiroir ou de salle de gare. Hein. Bon, on a donc entendu avec plaisir Atmosphère, c'est un morceau qui m'a bien plu, parce que bon, d'abord il a de la pêche, montre que le rock progressif n'est pas toujours quelque chose de gnangnan et de mou. Et en plus, il est inventif. Ça montre également donc aussi que le rock progressif, c'est pas essentiellement du rock mélodique, du rock du sous-camel, comme on l'entend souvent. C'est aussi de la recherche tout azimut, des guitares stridentes. D'ailleurs, on a pu sentir une forte influence de Crimson, et c'est une très bonne influence. Je pense que personne ne me contredira, puisque c'est un des piliers du progressif.